Bonjour à tous, ici Émilie, votre animatrice de coup de tête. On repousse souvent nos rendez-vous chez le dentiste par appréhension, et pourtant, ces médecins jouent un rôle tellement important pour notre santé. J'ai grandi auprès de l'un d'entre eux, et j'ai pu voir combien ce métier peut être exigeant et à quel point il peut faire une vraie différence, notamment en détectant des maladies graves, comme les cancers de la tête et du cou. Dans son podcast « Entretien avec un dentiste », Florence Etcheverry met en lumière l'aspect humain de cette profession et elle nous dévoile les coulisses d'un métier qui est souvent méconnu. Je vous recommande d'aller l'écouter. Vous y découvrirez aussi le témoignage de Sabrina, la présidente de notre association Corasso, dont la vie a changé après une simple consultation annuelle chez son dentiste. Alors que vous soyez patient, soignant ou simplement curieux, ce podcast vous offrira un nouveau regard sur le monde dentaire. Et qui sait, peut-être que vous finirez par prendre ce rendez-vous qui traîne sur votre to-do list depuis des semaines. Bonjour et bienvenue dans Coup de tête, le podcast qui sublime les voix des patients touchés par un cancer de la tête et du cou. Je m'appelle Émilie et j'ai été touchée par un cancer des cordes vocales à l'âge de 22 ans. Avec l'association de patients Corasso, nous souhaitons porter plus haut la parole des patients pour faire connaître et reconnaître ces différentes voix, ces différentes élocutions, ces différentes histoires inspirantes et pleines de résilience. Coup de tête, c'est le podcast qui sublime la voix des patients touchés par un cancer tête et cou. À écouter sans modération. Mathieu a 64 ans. Il habite en région parisienne où il nous reçoit chaleureusement aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Coup de tête. Bonjour Mathieu. Bonjour Émilie. Tout a commencé pour toi en 2011 où les médecins t'ont diagnostiqué un cancer du cavum. Alors pour bien comprendre, on va faire très rapidement un petit cours d'anatomie. Donc le cavum, c'est la partie haute du pharynx. Oui. Et le pharynx, c'est l'organe qui se situe en profondeur derrière le nez et la bouche, juste au-dessus du larynx et de l'œsophage. Voilà. Donc là, ça commence à devenir un petit peu technique. Donc pour faire simple, le pharynx, il sert à tout. Il joue un rôle dans la déglutition, dans la respiration, la phonation, l'audition et l'immunité. Par chance, même si c'est un cancer rare, on dit qu'il est plutôt de bon pronostic et qu'il se soigne plutôt bien et qu'il laisse peu de séquelles esthétiques et fonctionnelles. Mais on va pas trop lui jeter de fleurs quand même, parce que comme son nom l'indique, ça reste un cancer. Et donc, comme tout cancer, ça bouscule un peu des vies. Toi, Mathieu, ce cancer, il t'a laissé 8 années de répit où tu retrouvais goût à la vie. À la vie, oui, mais pas à la nourriture. En 2021, tu as commencé à avoir des difficultés à la déglutition et tu faisais des fausses routes à répétition, résultat de 35 séances de radiothérapie du passé, et ce jusqu'à développer une forme d'anorexie. Et il n'y avait plus le choix pour toi. Pour continuer à t'alimenter et à vivre, il a fallu te poser une gastrostomie. Et donc tu nous expliqueras en quoi ça consiste et comment ça fonctionne. Merci d'avoir accepté aujourd'hui de témoigner au sujet de la nutrition entérale, qui est le fait de s'alimenter autrement que par la bouche. Ben, je t'en prie. Comment tout a commencé pour toi? Quels étaient les premiers symptômes que tu as ressentis? Alors, les premiers symptômes, c'était des glaires à répétition. Ça remonte à 2011, pendant l'été, où j'avais des glaires tout le temps. Et puis, c'est assez gênant, quoi. Et puis, un épisode assez bizarre, je me mets à saigner du nez, un matin je me réveille, le nez en sang. Comme, vous savez, comme quand on est môme, là, on entend les saignements, comme ça on met des poupées, et puis basta, quoi. Alors bon, je ne me suis pas inquiété, évidemment. Sauf que ça a recommencé le lendemain. Puis le surlendemain, puis une quatrième fois, 4 jours d'affilée. Et quand même, à la quatrième fois, je me suis dit, il y a un truc qui cloche. Donc j'ai fini par me décider à aller aux urgences. Et là-bas, ils m'ont dit, c'est rien. Mais bon, par précaution, on vous prend un rendez-vous avec l'ORL. Je vois l'ORL. L'ORL regarde, il n'y a rien. Enfin, c'est... Puis là-dessus, tac, je lui parle de mes glaires. Ça me revient à l'esprit à ce moment-là. Alors, il avait écouté, je vais regarder, il sort son fibroscope, et puis il fait une grimace. Et là, je commence à comprendre qu'il y a un truc qui n'est pas clair. Et puis, bon, il m'a dit, écoutez, c'est un peu suspect, ce truc-là. J'ai fait un petit prélèvement, on va l'analyser. Il ne faut pas vous inquiéter, mais bon... Et tout de suite, l'idée du cancer germe dans votre tête, quoi. Bah oui. Tout de suite, c'est pas normal. Et très curieusement, j'avais absolument aucune douleur. L'analyse n'a rien donné. Il me réexamine, et là, il voit que le truc s'est étendu. Et il me dit, ah oui, non, là, ça a pris des proportions, je ne peux pas vous traiter. Moi, je pensais faire quelque chose, mais là, je ne peux plus le faire. Donc, c'est à partir de là que ça a commencé. Donc, à ce moment-là, ils t'ont fait une biopsie. Comment ça s'est passé ? Il faut qu'on fasse une biopsie profonde, donc sous anesthésie. OK, anesthésie générale. Générale. Ouais. Donc, processus médical habituel, etc. Et quand je me suis réveillé, le médecin m'a dit, écoutez, j'ai fait la biopsie. En fait, j'ai fait un geste élargi. En gros, il m'a retiré la moitié de la tumeur. À ce moment-là, on t'avait dit que c'était un cancer ou... Pas encore. Pas encore, oui. Soupçon de cancer. Oui. Probable cancer. Déjà, psychologiquement, tu t'habitues à l'idée. Ça reste encore assez mystérieux, tout ça. Mais bon, le mot, il est connu de tous. Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière et qu'est-ce que ça suppose ? Bon, et donc, c'est au moment de l'annonce que là, tu prends la mesure du truc. Parce que là, tu as devant toi des professionnels qui disent « Bon, c'est effectivement un cancer. » Alors, vous avez une chance, c'est que c'est un cancer qu'on sait plutôt bien guérir dans 90-95% des cas. Et donc, ils m'ont dit que le seul traitement possible, c'est la radiothérapie. OK. Voilà. Tu connaissais un peu la radiothérapie, en quoi ça consistait ? Alors, les rayons eux-mêmes, leur boulot, c'est d'empêcher les cellules cancéreuses de se reproduire. Les cellules meurent d'elles-mêmes naturellement, comme toutes les cellules, mais comme elles ne peuvent pas se reproduire, ben forcément, mécaniquement, progressivement, la tumeur disparaît. D'accord. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ils m'ont expliqué qu'il y aura 35 séances. Bon. Comment elles se sont passées, ces séances, du coup ? Comment ça fonctionne, la radiothérapie ? Alors, avant d'y venir, ouais. La radiothérapie, il y a toute une préparation. Okay. Il y a deux choses. La première, c'est que c'est une zone très particulière qu'on va irradier. Et les rayons, ils ont une cible, et ils traversent les zones, et au passage, ils font des dégâts. Ils vont traverser les glandes salivaires, vont traverser la mâchoire. Bon. Et ce qu'ils m'ont expliqué, c'est qu'il est absolument fondamental que vous n'ayez aucune infection nulle part. Parce qu'il y a le moindre infection, les rayons vont l'exacerber et ça va devenir incontrôlable. Ça va être de la nécrose. Donc, il faut d'abord qu'on vérifie vos dents. D'accord. Donc, j'ai eu séance avec un odontologue qui m'a dit, bon, vous avez deux petites caries, là, il faut aller les faire soigner. Donc, je suis allé faire soigner mes caries. Et quand j'ai fait soigner mes caries, on m'a découvert que j'avais une dent qui était, en fait, assez abîmée, qui avait été soignée il y a 30 ans quand j'étais ado, plus que ça. Et ils m'ont dit, il va falloir l'arracher, celle-là. Pour répondre à ta question, comment ça se passe ? Alors, déjà, il faut s'imaginer les locaux. L'appareil de radiothérapie, c'est une espèce d'énorme appareil, très encombrant, qui est dans des locaux dédiés, protégés, parce qu'il y a des rayonnements. Donc, les opérateurs qui actionnent l'appareil sont dans une cabine. Donc, c'est assez impressionnant, évidemment, surtout quand on découvre. Et puis... Et une chose qui est très importante, c'est qu'il ne faut pas bouger. Et il faut être toujours dans la même position d'une séance à l'autre. Parce que l'appareil va être calibré pour aller attaquer une zone bien précise. Il ne faut pas se gourer, évidemment. Il ne s'agit pas d'aller taper à côté. Donc pour ça, pour vous immobiliser, on vous confectionne un masque. Donc claustrophobe, ouais, voilà. Masque. Donc on vous allonge bien, là, on vous pose une espèce de... tissu, je ne sais pas comment appeler ça, ça ressemble un peu à une cône de maille, ça vous permet de respirer, vous voyez un peu à travers, mais le truc est tout chaud, il épouse la forme de votre visage, et on attend qu'il refroidisse. Et une fois qu'il est refroidi, il est dur. Et ce masque, c'est votre masque, il porte votre nom, et vous allez, à chaque fois que vous ferez votre séance, on va vous allonger, vous mettre en position, et vous mettre le masque. Et le fixer. Vous fixer pour que vous soyez toujours dans la même position, de manière à ce que l'appareil qui est évidemment calibré. Il y a toujours une première séance de calibrage. on mémorise tout ça, et donc à chaque séance, hop, on remet le bon profil et la machine va faire exactement toujours le même dosage au même endroit et on est sûr de toucher la bonne zone parce que vous êtes bien calé, quoi. Ça dure combien de temps, une séance ? Ça dure entre 10 et 15 minutes. On sent rien. On ne sent strictement rien. Alors moi, au début, j'étais encore au travail. Je me suis dit, tout va bien. Ça a l'air indolore. Je vais continuer de bosser. On m'avait dit, vous savez, monsieur, en général, les gens sont très fatigués. Attendez-vous à devoir faire un arrêt de travail de plusieurs mois. Et moi, je m'étais dit, je suis solide, pas de raison, machin, tu parles. Au bout d'une semaine, je te dis plus de mots. J'étais tellement fatigué, c'est extraordinaire. La réaction du corps, c'est très curieux. Hein. Je me suis retrouvé vraiment hors d'état de faire quoi que ce soit. Et au bout d'un moment, je ne pouvais même plus sortir de chez moi, tellement j'étais fatigué. Et donc, pendant 2 mois, tous les jours, le taxi venait me prendre le matin pour ma séance. Et me ramener à la maison. C'est tous les jours de la semaine, du coup. Ouais, tu fais 5 séances par semaine, en général. Du coup, la radiothérapie a suffi, il n'y a pas eu de traitement complémentaire, et ça a pu te guérir complètement, c'est ça ? C'est exactement ça, oui. Je n'ai eu, en termes de traitement du cancer, que la radiothérapie. D'accord. Je n'ai pas eu à prendre de chimio, de quoi que ce soit d'autre. Par contre, j'ai eu à soigner toutes les séquelles de la radiothérapie. C'est surtout ça, parce que si les rayons en eux-mêmes sont indolores, déjà ils vous brûlent la peau. Bon, mais ça, à la limite, c'était pas grand-chose. Le plus pénible, c'est que très rapidement, c'est le feu dans la gorge. Et quand je dis le feu, j'ai pas de mots, ça brûle tellement que ça devient impossible de déglutir. Chaque déglutition, c'est des lames de rasoir. Donc au bout d'un moment, je pouvais plus ni boire ni manger. En tout cas, pendant cette phase de traitement puis de convalescence, j'étais obligé de me nourrir par une sonde nasogastrique, donc une sonde qu'on vous passe par une narine et qu'on vous introduit dans l'œsophage jusqu'à l'estomac. Et donc après, je me suis nourri avec ça. Quoi. Ok. Ça a duré 5-6 mois. Et tu pouvais manger en parallèle normalement ou tout passait exclusivement par la sonde ? Tout par la sonde, parce que je n'arrivais même pas à déglutir tellement ça me faisait mal. Ouais. C'est ça qui est terrible. C'est que c'est le feu. Et c'était typiquement la nuit où j'avais du mal à dormir et où la morphine me permettait d'arriver un peu à dormir. Parce que ça brûlait pas uniquement que quand tu essayais de déglutir, même au naturel. C'était permanent. C'était permanent. Oui. D'accord. Permanent. Oui. En fait, la zone irradiée, elle est brûlée. Hein. Il n'y a pas d'autre terme. Du coup, tu n'as plus aujourd'hui de sonde nasogastrique. Comment ça s'est passé C'était un processus assez compliqué. Déjà, pour l'anecdote, cette sonde était quand même gênante. Et je me souviens, au bout de peut-être 3-4 mois, je ne sais plus exactement, mais je ne supportais plus ma sonde. J'avais l'impression que mon corps la rejetait. J'avais un intrus, en fait. Et un soir, j'ai viré ma sonde. Et j'ai passé la meilleure nuit. Je revivais, quoi. Ouais. Alors, j'étais toujours, je pouvais toujours pas déglutir, mais bon. Ouais. Et puis, le lendemain, c'est un dimanche, je me souviens, et je me balade devant mon épouse, faisant semblant de rien. Et elle a rien remarqué. Il a fallu que j'attire son attention. Elle est tellement intégrée. Ma sonde ne faisait plus attention. Elle avait son mari, point. J'ai dit, tu remarques rien. Elle en venait pas. Bon, bref. Mais malheureusement, ça n'a pas duré parce que je ne pouvais toujours pas avaler. Donc, j'étais bien obligé de retourner, de faire reposer une sonde et de la supporter encore jusqu'à ce que je me sorte de ça. Au bout de 5 mois et demi, quelque chose comme ça, je me disais, mais c'est pas possible. Je voyais pas de progrès. Et à un moment, en discutant avec le médecin, et puis aussi avec mon épouse, on s'est dit, mais pourquoi on n'essaye pas de prendre des anti-inflammatoires ? Puis en parallèle de ça, c'est passé un truc aussi, c'est que par bouche à oreille, par ma belle-mère, par différentes personnes, on m'a dit, mais tu devrais voir un magnétiseur. Un quoi ? Oui, un magnétiseur, c'est des gens qui éteignent le feu. Alors moi, Je suis plutôt le genre scientifique, tu vois. Moi, les trucs bien carrés, bien qui se démontrent avec des... Mais bon, j'étais dans un tel état. Je me suis dit, tout, pourquoi pas. Allez, j'ai découvert que le recours au magnétiseur était monnaie courante dans le cancer et que dans beaucoup d'instituts de cancer, on recommande aux gens qui ont des, comme ça, pareil, le feu, de se faire aider par les magnétiseurs. Donc c'est quand même assez étonnant. Donc j'ai fini par, entre guillemets, me laisser faire. Donc cette personne, je crois que j'ai eu peut-être deux fois au téléphone. Et à chaque fois, il me disait, voilà, il se concentre. Alors je ne sais pas si c'est ça. Je ne sais pas si c'est les anti-inflammatoires, je ne sais pas. Mais en l'espace de quelques, peut-être genre une semaine, le feu s'est éteint. C'est fou. Incroyable. Et donc, j'ai enfin pu retirer ma sonde. Et recommencer, alors, très progressivement évidemment, mais à déglutir et à manger un petit peu. Alors voilà, alors, ça ouvre les yeux. Tu me dis, il n'y a pas que la médecine. Et si demain, je suis au contact de quelqu'un qui démarre un protocole et que... Il m'explique qu'il souffre beaucoup, je lui dirais, bah écoutez, voilà, moi j'ai vécu ça, vous en faites ce que vous en voulez, je ne vous dis pas, les magnétiseurs sont indispensables, mais sachez que moi je l'ai vécu, j'y croyais pas du tout, et pourtant, manifestement, il s'est passé quelque chose, je ne sais pas quoi, je ne saurais pas vous dire, mais il s'est passé quelque chose, c'est évident. Voilà. Tu vois, les étonnements par rapport au corps humain. Tout à l'heure, j'ai parlé de ces saignements de nez, tu vois. Avec le recul, je me suis dit, mais une tumeur, ça saigne pas. Que je sache, c'était quoi ces saignements de nez? Comme si le corps m'avait alerté. C'est ça, il t'envoie des petits signaux. Oui, des signaux. Signaler, attention. Il y a un truc qui ne va pas. Ouais. Je ne sais pas comment te le dire, mais il faut que tu te réveilles, mon garçon. Et avec le recul, je me dis, c'est quand même extraordinaire. Et à l'épreuve de ce que l'on vit là, bah, il y a des moments où il se passe des choses qu'on ne comprend pas. Mais qui, in fine, nous aident. Donc, il faut les prendre, tout simplement. Effectivement, comme tu le disais en introduction tout à l'heure, j'ai eu 8 ans de répit. Ouais. Alors, ce que j'ai appelé le répit, c'est-à-dire 8 ans pendant lesquels j'ai eu une vie à peu près normale. Je travaillais, je prenais des vacances, je faisais du sport, je m'occupais de mon jardin, en fait, j'ai eu une vie de monsieur et madame tout le monde. J'avais juste à gérer mes petites séquelles. J'ai eu des problèmes d'otite. Il faut que je mette des gouttières. Les blancs salivaires, elles ont morflé grave. Et donc, je me suis retrouvé, en fait, quasiment sans salive. Ça s'est fait progressivement, mais à l'issue de la convalescence, en fait, j'étais obligé d'avoir une petite bouteille d'eau à la main tout le temps et de m'humecter la bouche tout le temps parce que j'avais la bouche sèche. Puis, je pense qu'on ne se rend pas compte l'importance, au final, de la salive. C'est fou. Ils m'ont dit, la salive... Non seulement vous avez besoin pour parler, pour manger, etc., mais ouais. En plus, elle est antiseptique. Elle protège tout l'appareil bucco-dentaire. Moi, il se trouve que j'ai retrouvé une partie de ma salive. Okay. Donc, j'ai plus du tout besoin de me balader avec ma bouteille d'eau à la main. Pas de c'est revenu comme ça, progressivement Très lentement, mais progressivement. Je dirais, je ne sais même pas te dire précisément quand, mais à un moment, je me suis rendu compte que je n'en avais plus vraiment besoin. Quoi. C'était peut-être au bout de 4-5 ans. Mais je ne sais pas si c'est général, si d'autres personnes dans le même cas que moi vivront ça ou ont vécu ça, je ne sais pas du tout. Donc ça, c'était plutôt une bonne surprise pour moi. Donc après cet épisode de sonde nasogastrique, tu as pu commencer à remanger progressivement. Et avec le goût, je me souviens que les médecins m'avaient dit non, le goût devrait être affecté. En fait, pas du tout. J'ai pu continuer à apprécier les saveurs tout à fait normalement. Okay. Par contre, j'ai une contrainte, et ça, je ne m'y attendais pas du tout. C'est que progressivement, je me suis rendu compte que je n'arrivais plus à avaler les morceaux. Et donc, il fallait absolument que je mâche longuement mes aliments pour pouvoir les avaler. Alors, ce qui se passait régulièrement, c'est que si je ne faisais pas gaffe, quand on mange, on mâche, la déglutition, c'est un réflexe. Il y a un moment, on a envie d'avaler. Quoi. Si on est concentré, pas de problème. Mais si je suis distrait parce que je suis en train de papoter, bah, à un moment, j'avale, puis merde. Ça passe pas, ça reste coincé. Et là, c'est horrible, parce que ça reste coincé. Vous essayez d'avaler, ça passe pas. Vous essayez de le cracher, ça sort pas. Comme vous manquez de salive, ça ne glisse pas. Ça reste bien accroché. Avec de l'eau. Vous mettez de l'eau, bah, ça régurgite, parce que ça sert à rien. Ça fait rien. J'ai vécu des séances de genre 10 minutes, un quart d'heure aux toilettes, à essayer de me débarrasser du truc que j'avais pu avaler. Ça m'est arrivé plusieurs fois où j'étais avec les collègues au restaurant d'entreprise. On papote, on tchatche, et puis à un moment, punaise, ça y est, j'ai recommencé. Excusez-moi, je reviens discrètement, je vais aux toilettes. Un quart d'heure. Donc ça m'obligeait à être extrêmement concentré, bien penser à mâcher avant d'avaler. Parce que quand c'était bloqué, t'avais pas ce réflexe comme si tu t'étouffais, en fait, c'était juste bloqué là. Tu t'étouffes, c'est dans la trachée artère. Oui. Et là, t'as de l'air, il y a des réflexes. Il y a les réflexes, c'est ça que je veux dire. Ouais. Et là, il n'y a pas du tout ce genre de réflexe-là. C'est bloqué mécaniquement. L'œsophage, il y a un muscle, il y a une sorte de diaphragme qui est commandé par un muscle et qui le referme. Toute la journée, il est fermé. Et il s'ouvre au moment de la déglutition. Le muscle, il a été sténosé par la radiothérapie. Alors, sténosé, c'est le terme médical pour dire, en fait, il s'est durci, il est moins élastique, il a du mal à s'ouvrir. Mais j'arrivais encore à manger. En plus, il y a finalement un effet bénéfique, c'est que cette nourriture que j'étais obligé de mâcher longuement, bah plus on la mâche, plus elle est facile à digérer. Et donc j'avais un transit absolument nickel, aucun problème. C'est ce qu'on devrait tous faire. On devrait tous faire, exactement. Mâcher autant que possible et prendre son temps pour manger. Voilà, et puis en pratique, on a tout le temps à manger vite. Donc ça, c'est vrai que... Mais donc, pendant 8 ans de répit, j'ai eu une vie à peu près normale. J'ai cette contrainte-là, mais qui... on s'habitue. Mais j'ai quand même toujours le plaisir de manger, quoi. Okay. Et à peu près tout. Alors au début, ça ne me gênait pas trop, mais au fur et à mesure, c'est devenu tellement gênant que... Par exemple, un grain de maïs, c'est impossible à avaler. À partir de quel moment ça devenait insupportable ? Ça s'est passé d'une façon extrêmement insidieuse, parce que je ne m'en rendais pas compte, évidemment. J'ai commencé à faire des fausses routes. Mais je ne savais pas que c'était des fausses routes. Comment ça s'est manifesté ? J'étais en vacances, j'étais à Annecy, je m'en souviens très bien. En 2021, je fais une infection pulmonaire. Donc je vois le médecin, donc j'ai été soigné évidemment avec des antibiotiques, mais il m'a dit, pour moi il y a une suspicion de fausse route. Oh, c'est quoi une fausse route ? Le fait que vous avez une partie de votre alimentation qui a tendance à aller vers les poumons. Évidemment les poumons ne sont pas faits pour ça. Et votre infection pulmonaire elle vient de ça. Oh, alors qu'est-ce que je peux faire ? Écoutez... Vous voyez votre médecin, mais il faudrait peut-être songer à de l'orthophonie, à de la rééducation. J'ai vu une orthophoniste, voilà, les petits exercices qui vont bien. Des conseils aussi sur la façon de déglutir, de se positionner, pour essayer de limiter au maximum le risque de fausse route. Mais ça n'a rien changé. J'ai fait une deuxième infection pulmonaire. Et tu t'en rendais pas compte alors quand tu faisais les fausses routes ? Non. On ne ressent pas du tout. Ouais. C'est ça qui est vraiment... très insidieux, on s'en rend pas compte. En fait, il y a plusieurs types de fausses routes, c'est ce qu'on appelle les fausses routes silencieuses. Normalement, quand on déglutit, si ça passe dans le mauvais tuyau, on va dire, au niveau des poumons, le réflexe naturel, c'est de tousser, oui, oui. Comme si on s'étouffe, en fait. Et ça existe, de pouvoir, ce qui, toi, t'arrivait, de pouvoir avaler, mais ça passe pas dans le bon tuyau. Et de pas s'en rendre compte. Et de pas s'en rendre compte, et de pas avoir ce réflexe-là. Et je pense que la raison pour laquelle je ne m'en rends pas compte, je l'ai compris plus tard, c'est que toute cette zone-là, qui a été très abîmée, a été insensibilisée. C'est ça, à cause des... À cause de la radiothérapie. Je racontais, oui, oui. Alors, elle n'est pas à l'heure. Elle vit sa vie. Donc, ça, c'est la deuxième infection. Et puis, troisième infection. Là, j'étais au boulot, je m'en souviens très bien, je me suis mis à trembler de partout, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Oui, parce que, alors du coup, tu ne sens pas quand tu fais la fausse route, mais l'infection pulmonaire, tu le sens, comment ça se caractérise ? Alors d'abord, tu fais de la fièvre, et voilà. Mais en plus, j'avais une douleur. C'était pour mon gauche, quand je respirais à fond, je sentais une douleur. Là, j'ai commencé vraiment à m'inquiéter, à me dire, mais là, ce n'est pas possible, je ne vais pas continuer éternellement à faire des infections pulmonaires. Bon, je vois le pneumologue, alors il fait faire une radio, il voit effectivement l'infection, machin, bon. On voit, il y a des morceaux de nourriture, il faut qu'on les extraie. Et donc, j'ai eu droit à une séance. En gros, vous êtes assis, le médecin vous enfonce une fibre à travers le nez jusque dans le poumon. Ensuite, une fois qu'il est bien en place, qu'il voit bien ce qu'il fait, qu'il est au bon endroit, qu'il a bien repéré les petits morceaux de nourriture à récupérer, il injecte un sérum. Et ensuite, il aspire. C'est déjà pas agréable d'avoir ce tuyau, machin, mais en plus, quand on injecte le sérum, ça donne l'impression de se noyer. Donc, c'est pas le moment le plus fun de ma vie. Bon, et tout de suite, il a ensuite aspiré, et puis après, c'était terminé. Donc, après, il m'a montré, il avait sorti une petite fiole avec des morceaux, alors c'était blanchâtre. Ah, c'était... Tu pouvais reconnaître ce que tu avais mangé. Oui, il regardait ça, l'œil d'expert, un bœuf bourguignon. T'es sûr? Attendez, laisse-moi regarder. Mais non, c'est un colombo de poulet, c'est évident. Ouais, on plaisantait pour dédramatiser, vous voyez, mais en fait, c'est qu'il y a un problème, de fond. C'est, effectivement, c'est pas possible d'avoir la nourriture dans les poumons. C'est pas fait pour ça. Là-dessus, lui, moi, je peux continuer à vous soigner, mais je peux pas vous guérir. Il faut que vous fassiez quelque chose. Donc là, c'est à ce moment-là que commençait à mûrir, à germer, pardon, l'idée de la sonde. Là-dessus, arrivent les fêtes et je refais une infection plus une grippe, les deux en même temps. J'étais dans un état où j'arrivais de moins en moins à me nourrir. Je crachais, il y avait une gêne, c'était devenu très difficile d'avaler. Et j'ai fait une forme d'anorexie, de rejet de la nourriture. Parce que je pense que psychologiquement, j'étais devenu totalement conscient que chaque fois que j'avalais, je m'infectais. Donc vous imaginez? L'idée est que en vous nourrissant, vous vous empoisonnez. Donc j'ai fait un rejet de la nourriture. T'appréhendais à chaque fois, à chaque repas Chaque repas que je voyais, le repas approcher, c'était l'enfer. Je me disais, non, ça va recommencer. Tenez, tiens, le chocolat. Le chocolat qui est dur, là. Il n'y a rien de plus piégeux que le chocolat, parce que quand il est dans la bouche, il fond. Et donc il devient liquide. Hop, dans les poumons directs. Donc c'était que les liquides qui passaient dans les poumons, les morceaux plus facilement. Aussi. Donc, il fallait absolument que j'essaie d'éviter au maximum des trucs liquides. Je mange des purées, des trucs comme ça. Mais l'eau, parce que l'eau, on en boit quotidiennement. Bah oui, j'arrivais pas à boire. Je me déshydratais. Ah oui, c'était... Je sombrais. Y a pas d'autre mot. Enfin, j'étais tombé à 57 kilos, je me suis à 1m80. Donc, quand j'ai vu l'ORL et qu'elle m'a dit, écoutez, monsieur, je crois qu'il n'y a pas d'autre solution que de vous poser une sonde, je lui ai dit, mais écoutez, je suis venu pour ça. J'attendais ça. Je voyais pas d'autre solution. Ça m'a soulagé. Je suis sorti de son rendez-vous en me disant, ça y est, je vais m'en sortir. Enfin. J'ai été opéré 2 semaines après. Parce que là, c'est pas la même sonde. Tout à l'heure, on parlait de la sonde. Oui. Alors, c'est vrai qu'on dit la sonde, mais là, c'est une gastrostomie. Donc là, c'est une sonde qui est directement au niveau de l'estomac. Donc en gros, c'est un tuyau. On va vous percer l'abdomen et l'estomac pour passer un tuyau à partir duquel vous allez pouvoir vous nourrir et vous abreuver. Alors au début, c'est une première sonde avec un tuyau qui sort et qui pronouille. Et au bout de quelques semaines, je ne sais plus combien de temps, 3 ou 4 semaines, on vous la remplace par ce qu'ils appellent un mitquet, qui est en fait une sonde qui se termine par un bouton, et juste affleurant, donc qui est très discret. Ça vous permet d'avoir une vie normale. Et puis, évidemment, le matériel qui vous sert à vous nourrir est adapté. Ça sent cliquette, ça se verrouille. Enfin bon, c'est conçu pour ça. C'est très bien fait et ça marche très bien. Et la nourriture, je peux l'injecter de 2 façons. Soit avec une pompe mécanique qui est posée sur un mât et sur laquelle je branche une poche d'eau et une poche de nourriture. Et la pompe m'injecte la nourriture sur un rythme très régulier, qui est très lent, et qu'on le règle. Mais même en le réglant le plus rapidement possible, il faut 1h30 pour manger. D'accord. Donc c'est extrêmement contraignant. La deuxième solution, c'est d'injecter avec une seringue. Alors là, tu injectes, tu fais ça plus ou moins vite, toi de doser. La nutritionniste m'a expliqué le fonctionnement de la machine. Au début, je me nourrissais avec la machine. Mais... elle m'a dit, vous pouvez aussi essayer avec la seringue, c'est possible. Bon. Donc je fais tout à la seringue. Et comme je peux le faire à la seringue, rien ne m'empêche de m'injecter autre chose que les poches qu'on me livre, pourvu que ce soit suffisamment bien mixé pour que ça passe. Et d'ailleurs, pourquoi c'était pas une sonde nasogastrique qui t'ont posée? C'est moins contraignant au final, la gastrostomie. Le corps la rejette. Je l'ai vécu pendant 6 mois, je sais ce que c'est. C'est insupportable. Donc non. Pas question de sonde nasogastrique, sans compter l'effet esthétique. Balader avec ton tuyau qui sort du nez, qui va à l'oreille, non. Parce que du coup, à ce moment-là, tu savais que ça serait définitif, gastrostomie. Oui. Ah oui, j'avais compris. Ouais. En fait, j'avais compris que j'avais pas d'autre solution. Donc, elle s'est imposée à moi. J'ai vécu la pose de la sonde comme un soulagement. Donc, ça m'a aidé aussi beaucoup à accepter. Parce que, évidemment, forcément, il y a un sacrifice derrière. Oui. C'est qu'on renonce. Tu savais à ce moment-là que tu renonçais à la nourriture? Alors, pas tout de suite, parce que ça, là encore, ça s'est passé en plusieurs étapes. Parce qu'au début, les médecins m'ont dit, vous pouvez très bien continuer à manger un peu par la bouche, tant que vous pouvez le faire, faites-le. Donc, vous avez la nourriture entérale qui vous permet d'être sûr de pouvoir vous nourrir, mais si de temps en temps, vous voulez faire un petit plaisir, faites-le. Néanmoins, on a pris un rendez-vous avec l'ORL et une orthophoniste pour voir s'il y avait de la rééducation possible. Donc, je suis allé à ce rendez-vous et on a testé de faire manger. Et la conclusion, c'est que mécaniquement et musculairement, la déglutition se fait très bien. Donc, il n'y a aucune rééducation possible. Le problème, c'est que le mécanisme qui protège la trachée artère, le réflexe qui protège la trachée artère, ne fonctionne plus du tout. C'est pour ça que je fais les fausses routes. Et ça, c'est irréversible. La gastrostomie, c'est la vie. Non. Alors ça, c'était peut-être genre 2 mois après m'être fait opérer. J'ai continué encore un petit peu de temps en temps à manger, mais c'est devenu progressivement de plus en plus difficile. Tellement difficile que ça est devenu désagréable. Et j'ai fini par arrêter. Donc la seule chose que je fais, c'est de temps en temps, je mâche des choses, des aliments, pour retrouver le plaisir du goût. Mais j'ai un crash. Comme ça, ça me permet de rester en contact avec la vraie vie. Mais désormais, ma vie, c'est ça, c'est la nourriture entérale. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux avoir une sorte de frustration, parfois, où c'est vraiment un soulagement et la peur prend tellement le dessus que, du coup, non, tu vis très bien avec la gastrostomie? Je dirais que, heureusement pour moi, dans l'immense majorité des cas, je ressens absolument aucune frustration. Mais de temps en temps, il y a un relan. Tu vois, par exemple, je vois un aliment que je n'ai pas vu depuis longtemps. Par exemple, un jour, j'ai vu un sushi. Bon, je ne pourrais plus jamais manger de sushi. Ça m'a fait, voilà, une espèce de tchac, tu vois, de « oh, punaise ». Ou alors une pizza, en fait, tu vois, tant, tant, il y a des… Et avec les odeurs, en plus. Oui, bien sûr. Mais heureusement que je ne vis pas la frustration permanente. J'ai intégré ça, parce que, probablement, il y a eu un parcours psychologique qui m'a amené à cette contrainte de la nourriture entérale, mais qui était… une telle délivrance par rapport à l'enfer que je vivais avant, que finalement, je préfère ça. Au moins, je suis en vie. Je vais raconter une anecdote. Il y a quelques semaines, on avait organisé avec toute la famille, donc mes frères et sœurs, on se fait une petite cousinade. On réunit tout le monde dans un endroit sympa, on passe 2-3 jours. Et puis voilà, c'est un moment formidable de famille, quoi. Et la dernière fois, le deuxième jour, on a fait un barbecue. C'est moi qui fais le barbecue. Donc c'est moi qui ai passé une heure à cuire les aliments, à faire qu'ils soient juste bien. Et j'ai ressenti un vrai plaisir de le faire. Et de participer à la fête. Et juste que je n'ai pas mangé. Je les ai regardés manger, puis moi j'ai fait autre chose. Et ça ne m'a pas du tout frustré, parce que j'ai eu ce plaisir de l'ambiance. Et d'ailleurs, je leur ai dit, parce qu'ils étaient tous un peu… J'aurais dit, vous vivez normalement, vous ne changez rien pour moi. Je suis heureux d'être là, je voulais être là. Si c'était une souffrance, je ne serais pas venu. Donc si je suis là, c'est que je suis bien. C'est vrai que les repas, en fait, c'est un moment de partage, un moment convivial. Et oui. Et ce n'est pas parce que tu ne peux plus manger par la bouche que tu ne peux plus partager ces moments-là. Mais tu ne peux pas vivre l'ambiance. C'est ça. Enfin, c'est des moments formidables. La vraie vie, elle est là. Est-ce que tu ressens cette sensation de soif, justement? Alors, à quel moment tu penses qu'il faut que tu bois? Ça, c'est un mystère. Ça, c'est un mystère. Le corps humain, c'est un mystère. Je n'ai plus aucune sensation de soif. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai plus besoin de boire. Et c'est un piège. Parce qu'il faut boire. Oui. Donc, je dois régulièrement m'astreindre, commencer de temps en temps à faire un break hydratation. Parce que si je ne le fais pas, évidemment, ce n'est pas bon pour la santé, oui. On le sait bien. Même si quand je prends le repas entéral, je fais toujours 2-5 d'eau avant, ma poche, et encore 2-5 d'eau après, ne serait-ce que pour rincer déjà, mais en plus, ça fait de l'eau. Quand je fais de la préparation culinaire moi-même, que je fais cuire des légumes, que je mixe tout ça, je le noie avec beaucoup d'eau pour que ce soit bien, voilà. En plus, pour que ce soit fluide, pour que ça coule bien. Je peux aussi pas seulement prendre les poches médicales qu'on me livre, que le laboratoire me livre, qui elles sont évidemment conçues pour avoir le bon équilibre alimentaire, qui est tout ce dont j'ai besoin. Mais de temps en temps, je fais un extra, je remplace la poche par une préparation qu'on a faite nous-mêmes. Alors, la dernière fois, j'ai fait des aubergines. J'adore les aubergines. Et en plus, j'aime bien cuisiner. Donc, le fait de les préparer, de les laisser bien mijoter jusqu'à ce que ce soit bien, bien fondu, avec un peu d'oignon. Je ne mets pas de sel, pas besoin de mettre de sel. Oui. C'est plutôt bon pour la santé de ne pas prendre trop de sel. Donc, je prépare le truc, après, je le mixe. Donc, tu vois, c'est. Ça fait partie du plaisir. En plus, curieusement, je me suis rendu compte qu'il y a des espèces de remontées. Et donc, je ressens quand même un peu le goût ou des odeurs qui remontent un petit peu. Pas de la même façon, mais ça remonte un petit peu. C'est vrai que pour les gens qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas vécu la nourriture entérale, ça paraît être très virtuel, tout ça. Mais c'est surtout qu'on ne s'imagine pas, en fait, que c'est possible de manger autrement. Et, parce que c'est quelque chose qu'on fait naturellement dans la vie de tous les jours. Ah oui. Et du coup, on ne s'imagine même pas qu'un jour, on puisse ne plus manger, quoi. Oui, c'est pas facile de se projeter dans ce moment-là. Ouais. Alors, il y a l'anecdote du restaurant que j'ai racontée, mais qui, pour moi, elle est vraiment très significative. Là, c'était un contexte de vacances. On était au ski avec mon épouse. Puis ça faisait longtemps que je lui disais, écoute, ça serait bien si on se faisait un resto. J'ai envie de vivre l'ambiance du restaurant. Et elle avait du mal à franchir ce cap-là. Ça la gênait. Donc il a fallu du temps pour qu'elle finisse par me dire, OK, allez, faisons-le, essayons. Après, tout a raison, allons-y. Restait à trouver un resto. Et donc on était au ski, on se dit, il faut qu'on trouve un resto qui acceptera mon cas. Est-ce que c'est un... Bon, on frappe un premier restaurant, on leur explique. Bon, la dame qui nous accueille dit, écoutez, je vais voir. Elle va voir en cuisine, elle revient, non, ça va pas être possible. Si on doit faire du spécifique, vous comprenez. Non, on a compris, OK, au revoir. On les sortit de là. Ma femme, elle était vraiment, vraiment triste. C'est difficile à dire, mais c'est l'impression d'être ostracisé, tu vois, d'être rejeté. Parce que tu as une spécificité, évidemment, qui n'est pas commune, on est d'accord. Hein, les gens en nourriture entérale, c'est quand même, ça ne court pas les rues. Mais bon, alors, je dis, écoute, c'est pas grave, essayons un autre. Puis à un moment, on tombe sur un autre resto, on regarde la carte, il faut qu'il y ait de la soupe. Et il y avait deux soupes. La soupe à l'oignon et puis la soupe du jour. Bon, tentons le coup, on verra bien. On tombe sur quelqu'un qui manifestement était le chef. On nous accueille, on lui explique. Il dit, bah, écoutez, bougez pas, je reviens. Il part en cuisine, il revient avec un bol de soupe. Il me montre, il me dit, est-ce que la consistance est bonne pour vous? Je regarde, je dis, ben oui, ça a l'air pas mal. OK, si ça vous convient, très bien. Et donc, on réserve pour le lendemain, pour mon anniversaire. Et donc, le lendemain, on arrive. Alors déjà, on est ressorti du resto avant, la veille, en disant, ah, au moins, lui, il a compris. On était rassurés, quoi. Donc, on est allé là en disant, bon. Mais... Ça s'est passé, c'est extraordinaire. On est accueillis, déjà la fille qui s'occupe de nous, elle avait été briefée par le patron. Elle savait mon cas et elle s'est adaptée à nous. Donc, on a choisi de prendre un petit cocktail sans alcool. Et là, un cocktail sans alcool, c'est un liquide, hein, aucun problème. Une soupe bien mixée, pareil, ça s'injecte sans aucun problème. Il faut qu'elle soit juste très bien mixée. Et donc, j'ai pu vivre mon resto super, quoi. Au moment du dessert, je n'avais pas du tout pensé au dessert. Et la fille me dit, mais ça vous dirait deux moules de glace? On les fait un peu fondre, comme ça, vous pourrez vous les injecter. Ah, bien sûr. Quelle bonne idée. Bon coup. Et donc, j'ai eu mon petit dessert avec la bougie, la petite musique, les gens qui vous disent, oh, resto, j'ai passé une soirée, on a passé une soirée géniale, quoi. Vous n'imaginez pas l'émotion que ça a été pour nous. Parce que non seulement, évidemment, on fêtait mon anniversaire, donc il y a le côté festif, mais il y a eu cette chaleur humaine de gens qui ont été à l'écoute, qui ont fait leur métier, qui ont fait honneur à leur métier. C'était formidable. Alors du coup, ça a cassé un tabou pour nous. Et l'idée d'aller au resto, maintenant, ne nous gêne plus du tout. Là, on était en vacances à Rome il y a quelques temps. ultra touristique, des restos partout, bah, à midi, enfin genre plutôt à 15h parce qu'on était souvent décalés. Il faut s'arrêter pour manger, bah, aucun problème. Hein. Et donc à chaque fois au restaurant, tu demandes s'il y a quelque chose, tu expliques ta spécificité. Oui, et puis la plupart des cas, ça leur pose aucun problème. Quand tu voyages, comment ça se passe? Parce que t'as des poches, alors je sais que tu peux compenser avec de la nourriture que tu prépares, etc. Mais est-ce que tu dois emmener tes poches alimentaires ou est-ce que tu dois rétrécir tes voyages, les raccourcir? C'est effectivement une contrainte. Et les poches, elles sont livrées par un laboratoire, mais ils ne les livrent qu'en France et en Martinique également, enfin dans les Dom-Tom. Mais effectivement, pour les voyages, ben en fait, effectivement, comme c'est pas possible de se faire livrer sur place, ben j'ai pas le choix, je dois emmener ma nourriture. Ça pèse vite très lourd. J'ai un certificat médical pour dire que voilà, je dois emporter, parce que évidemment, j'ai mon propre une poche que j'emporte avec moi pour le repas. Ça se passe très bien. Et dans les aéroports, à partir du moment où tu as un certificat médical, il n'y a pas de souci. C'est pour moi maintenant désormais exclu de partir en vacances loin, longtemps. C'est plus possible. Par contre, si je pars en France métropolitaine, alors ça dépend de comment je pars, mais si je pars en voiture, ben je charge évidemment ma nourriture dans le coffre. Mais oui, c'est une contrainte, absolument. Et il faut prendre aussi quelques précautions. C'est-à-dire, chaque fois que je sors de la maison, il est préférable que j'ai avec moi mon kit, au cas où. Il m'arrive un pépin, je ne peux pas rentrer, je ne sais pas quoi, je suis obligé de rester à l'endroit où je suis et je n'aurai rien pour me nourrir. Donc j'ai cette espèce de fil à la patte, quoi. Mais bon, c'est, encore une fois, c'est peu de choses, finalement. C'est qu'une habitude à prendre, ce n'est pas invivable, c'est une petite contrainte avec laquelle on vit, puis c'est tout. On parlait avec Charlotte la dernière fois des différents moyens d'expression et d'extérioriser ses émotions vis-à-vis de la maladie et des séquelles. Et toi, Mathieu, c'est que tu passes beaucoup par l'écriture. Ah oui, c'est vrai ça. Et tu m'as notamment envoyé tout un récit que tu as écrit d'une quarantaine de pages pour raconter ton histoire. Et il y a un passage qui m'a beaucoup touchée et où je me suis aussi beaucoup reconnue dedans, c'est le passage où tu parles de la maladie virtuelle, en quelque sorte. Est-ce que tu accepterais de lire ce passage-là et qu'on en discute un peu? Ah oui, volontiers, oui, bien sûr. J'ai écrit ça, effectivement, après être sortie de la convalescence, d'avoir commencé à reprendre le boulot, j'ai éprouvé le besoin d'écrire. C'est une façon d'évacuer. Ouais. Et en même temps, je pensais surtout à mes enfants. Puis à ma femme, à mes frères et sœurs, à quelques amis proches, je voulais leur raconter ce qui m'était arrivé, quoi. Mais c'était aussi une façon de tourner la page. Voilà, je sens à ce stade que j'entre de plein pied dans l'après-cancer. Il ne me reste plus qu'une seule chose à faire, prendre conscience de ce qui m'est arrivé. Je ressens que je n'ai pas encore fait ce parcours psychologique. En fait, j'ai cette étrange sensation de n'avoir jamais été malade. Avant qu'on ne détecte ce cancer, j'étais bien portant et je ne ressentais aucune douleur. Je n'ai réellement souffert que du traitement et de ses effets secondaires, pas du cancer. Du coup, ça donne l'impression d'une maladie virtuelle, dont j'aurais été le spectateur plutôt que la victime. C'est très difficile à expliquer. C'est comme si cette maladie était externe. Et je pense qu'il me faudra encore du temps avant de réaliser que j'ai eu un cancer. Oui, c'est vrai, j'avais écrit ça en 2012. Bah, le temps a passé. Mais en fait, rien n'a changé. Ça reste quand même un truc qui m'est tombé dessus. Je ne sais pas d'où il vient. Je ne saurai jamais. Et effectivement, je n'ai pas eu de douleur du cancer lui-même. On m'a guéri. Et je vis avec tout ce que je viens de raconter. Donc c'est quand même bien réel, tout ça. Ouais. Mais ce qui est réel, c'est surtout, effectivement, les séquelles. C'est exactement ça. C'est que la maladie en elle-même, c'est un peu comme si elle était invisible parce qu'elle est à l'intérieur et on ne le voit pas. Ouais. Et c'est juste faire confiance aux médecins. Ils nous disent qu'on a un cancer et qu'on est malade. Exactement. Bah, faut les croire sur parole, en fait. Exactement. Alors, il peut, pour certains cas, y avoir quelques douleurs ou autres qui ne nous paraissent pas plus graves que ça. Je veux dire, un saignement de nez où moi j'avais la voix cassée, ouais. C'est pas pour autant que j'ai un cancer, et quand on dit cancer, c'est un mot qui est fort pour tous, et on se dit pas forcément qu'on est malade. Et en fait, c'est les séquelles après au quotidien qui font réaliser que, ben si, en fait, il y avait quelque chose et que maintenant, ben, on doit vivre avec comme ça, quoi. Absolument. Et une autre question aussi, souvent, je me suis posée, c'est est-ce que ça donne de la force d'avoir traversé ces épreuves ? Parce que tout le monde ne vit pas ça, mais chacun vit aussi d'autres galères. Il ne s'agit pas de se comparer, mais le fait d'avoir vécu ça, est-ce que ça te renforce ? Probablement. Parce que tu te dis, bah, finalement, on a une capacité de résilience qui est extraordinaire. Donc ça fait réfléchir. Et si j'avais été confronté à des épreuves encore plus dures, comment j'aurais réagi ? J'en sais rien. Peut-être avec la même force, je ne sais pas. Donc, je pense qu'en fait, on a des ressources insoupçonnées et qui se révèlent devant l'épreuve. J'ai découvert ça, en fait, en vivant ce cancer, ou plutôt les séquelles de ce cancer. Et je trouve qu'on prend conscience encore plus des petites choses du quotidien qu'on fait naturellement, comme parler ou manger. C'est des trucs qui sont hyper naturels pour tout le monde. Et oui, c'est compliqué pour ceux qui sont mutilés avec la voix, par exemple. Là, on se rend compte qu'en fait, c'est précieux. Ouais. Ça donne une saveur différente aux choses. Ouais. Je veux dire, on est un peu plus conscient de la valeur. C'est ça. On est plus conscient de la valeur de ces petites choses du quotidien qui existent. Quoi. Ouais. Ça fait du bien de parler. Ouais. Si, il y a une chose que je pourrais rajouter, c'est... mais alors ça, c'est beaucoup plus récent, c'est... depuis que j'ai fait la connaissance de Corasso, j'ai découvert le concept de père aidant. Et ça m'attire énormément. Pendant mon propre parcours, j'étais très seul. Je parle évidemment pas du fait que j'étais quand même avec mon épouse, hein, qui était là tout le temps. Elle a été une aidante très attentionnée et extrêmement fidèle. Mais malgré tout, vis-à-vis de la médecine... Et par rapport à ce qui m'arrivait, j'étais très seul. Je connaissais personne qui avait la même chose que moi. Ça veut dire que j'ai fait mon parcours en me débrouillant. Bon. Et si j'avais eu l'opportunité de rencontrer des gens qui aient vécu des choses comparables et avec qui j'aurais eu l'opportunité d'en parler, ça m'aurait certainement beaucoup aidé. Et donc, rétrospectivement, je me dis qu'aujourd'hui, avec ce parcours, je peux certainement aider des gens. C'est ça. La père aidante, c'est le fait d'accompagner un patient en tant que patient avec son vécu personnel. Voilà. Pour l'écouter. Pour l'écouter. Et répondre à ses questions si elle en a. C'est ça. Mais surtout pas remplacer le médecin, mais plutôt, bah, moi, je l'ai vécu comme ça. Le fait de pouvoir échanger avec ses pairs qui ont vécu des choses comparables, sans aucun jugement, dans la bienveillance, dans l'écoute et dans le respect, c'est extraordinaire. Oui. Bah, merci beaucoup, en tout cas. C'est un plaisir. D'avoir échangé avec toi. Ça fait du bien de parler. Oui, de parler de ces choses-là, en espérant que ça puisse être écouté, que ça puisse servir à ceux qui l'écouteront. Mais déjà, si ça t'a servi à toi, c'est déjà le principal. C'est pas mal, oui. Ouais. Ouais, mais moi je me suis déjà lâché en écrivant. Oui, c'est vrai que oui, tu fais ça par l'écriture. Mais c'est encore un autre moyen de pouvoir extérioriser. Si ça te fait du bien, et bah écoute, on est tout gagné. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Coup de tête, le podcast des patients touchés par un cancer tête et cou, créé par l'association Corasso. Pour retrouver plus d'informations sur ces cancers et sur l'association, rendez-vous sur www.corasso.org. À bientôt.